Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 7, du samedi 6 octobre 1883. Page 3, colonne 4. Nouvelles du Canada. Monsieur Hensley, inspecteur de la Cité de Montréal, est mort dimanche dernier. Monsieur Pierre Gilbert, âgé de 62 ans, est mort subitement jeudi dernier à Saint-Sauveur. Lord Lansdowne s'embarquera le 11 de ce mois sur le Circassian. Sa suite se composera de 16 personnes. Les sauvages de Caughnawaga donneront leur première exposition annuelle d'agriculture et d'industrie sur leur réserve vendredi et samedi prochain. Monsieur Charles Langelier est chargé de la défense de la femme Boutet, prévenue d'empoisonnement et dont le procès aura lieu vers la fin de ce mois à la Malbaie. Alfred Morissette, employé chez T.B. Renault et compagnie, à Québec, est mort subitement mercredi dernier des suites d'une hémorragie. Il laisse une jeune famille. On vient de terminer le rôle d'évaluation de Montréal. La propriété foncière est estimée à 63 millions de dollars, c'est-à-dire 3 millions de plus que l'année dernière. Les deux plus gros esturgeons qu'on ait encore pêchés dans le fleuve Saint-Laurent étaient en vente sur le marché de Québec jeudi dernier. Ils mesuraient 6 pieds de long et pesaient 115 et 125 livres. Le vénérable curé de l'île du Pas, M. Vincent Plainquette, a célébré ces jours derniers son 50e anniversaire de prêtrise. Un grand nombre de prêtres du district de Montréal assistaient à cette belle fête. Il paraît maintenant certain que le syndicat du Pacifique a réussi à mettre la main sur la voie ferrée du Sud-Est, car il vient de payer pour cette dernière des réclamations du montant de plusieurs milliers de dollars. La Corporation de Trois-Rivières vient de voter 5 000 $ pour la construction d'un bâtiment qui servira de local pour les pompes et de stations de police. Il sera érigé sur un terrain appartenant à la ville, en arrière de l'hôtel de ville. La bénédiction des cloches, qui devait avoir lieu à Kamouraska le 20 septembre dernier, a été remise le mercredi prochain à 3 h p.m. La célébration des noces d'or du révérend M. Hébert, curé de la paroisse, aura lieu le lendemain. Monseigneur l'évêque de Saint-Hyacinthe a lancé un mandement au sujet de l'encyclique du souverain pontife qui prescrit des prières pour le mois d'octobre dédiées au rosaire. Lecture de ce document a été faite dimanche dernier dans les églises du diocèse. La semaine dernière, on a conduit à l'asile de Beauport un vieillard du village de Lauzon, du nom de Louis Barra. Il eût été dangereux de le laisser en liberté plus longtemps. Cet homme était de retour des États-Unis depuis quelques semaines seulement. Mercredi dernier, Augustin Gélina a été arrêté pour avoir défoncé une valise appartenant à Clovis Métivier, demeurant dans la même maison de pension à Montréal, et en avoir soustrait la somme de 12 $. Le prisonnier a d'abord avoué le vol, mais actuellement, il le nie. Pendant que la veuve de Ignace Hamel de la paroisse de Sainte-Gertrude, comté de Nicolet, allumait son poêle, une étincelle communiqua le feu à ses vêtements. Quand elle s'en aperçut, il était malheureusement trop tard. Seule, La pauvre femme ne put réussir à étouffer les flammes et fut horriblement brûlée. Elle a succombé à ses blessures 3 heures plus tard, après d'atroces souffrances. La ville de Terrebonne est en voie de devenir florissante. Plusieurs manufactures s'y construisent et on vient de loin pour voir la belle fabrique de la Maison Roland de Montréal. Le conseil municipal vient de voter 10 000 $ pour la construction d'un hôtel de ville qui renfermera le marché et la station des pompes. Les sœurs du couvent de Sainte-Anne de la Chine construisent aussi une succursale de leur maison qui doit coûter la somme de 12 000 $. On fait signer une requête adressée à M. le maire de Québec, le priant de convoquer une réunion de citoyens marquants de la ville pour organiser une démonstration en l'honneur du marquis de Lorne et de la princesse Louise avant leur départ pour l'Europe. Il est question d'un grand bal qui aurait lieu à la salle de musique. Vendredi dernier, vers 11 h du soir, on s'est aperçu que la scierie de M. Duval, à Nicolet, était en feu. Après beaucoup d'efforts, on est parvenu à préserver la scierie de la destruction, mais les flammes ont consumé pour 20 000 $ de bois de sciage, sur lequel il y avait une assurance de 12 000 $. On soupçonne l'œuvre d'un incendiaire. Le chartier du bois, arrêté pour avoir conduit 3 jeunes filles, arrivant à Montréal, dans une maison mal famée, a été condamné à 20 $ d'amende et à 1 mois de prison, parce qu'il n'avait pas de licence. À l'expiration de ce temps, on le poursuivra pour délit. La femme qui tenait cette mauvaise maison a été condamnée à 6 mois de prison et 50 $ d'amende, ou 6 mois additionnels à défaut de paiement. Joseph Brunet, père et sa femme, Joseph Brunet, fils et sa femme, Cyril Brisebois, Nicolas Potvin, Dominique Perrier et Élie Charbonneau, de la paroisse de Sainte-Adèle, ont été arrêtés pour avoir assailli Elmire Filiatro, femme de François Desautels, de l'avoir attaché, d'avoir mis son mobilier sur la rue et démoli sa maison. Ils ont été conduits à Sainte-Scolastique, où ils devront subir leur procès aux prochaines assises criminelles. La révérende sœur Gauthier est décédée le 11 du mois dernier à Saint-Boniface, Manitoba, après quelques semaines de maladie seulement. Elle n'était âgée que de 38 ans et elle en avait passé 14 en religion. Elle était née à Boucherville, PQ, le 16 août 1845. À l'âge de 18 ans, elle fit ses adieux au monde pour entrer au noviciat des Sœurs Grises de Montréal. 2 ans après, elle était admise à la profession religieuse dans cette maison. Si l'on en juge par l'expérience des dernières années, les bateaux à vapeur finiront par remplacer complètement les voiliers d'outre-mer dans les eaux du Saint-Laurent. Les longues traversées et les remorquages considérables condamnent ces derniers. On remarque que le nombre des vapeurs qui visitent les ports canadiens va toujours en augmentant, tandis que celui des voiliers diminue sensiblement. Ils prennent maintenant la direction des Indes orientales et de la Chine. Les nommés Pierre Saint-Germain, Louis Bonnet et Amédée Laporte, tous 3 de Saint-Jude, ont été appréhendés pour avoir, le dimanche 25 du courant à 11 h du soir, dans la paroisse de Saint-Ours, ainsi que l'établi l'acte d'accusation, brisé la porte de la maison de M. Joe Lamoureux, avoir saisi ce dernier à la gorge, ainsi que Mme Lamoureux, et s'être livré sur leur personne à des voies de fait de la dernière brutalité. Madame Lamoureux a reçu de graves blessures à la tête et sur d'autres parties du corps. Les inculpés sont aussi écroués, sous accusation d'avoir brisé et enlevé un châssis de la maison. Dimanche dernier après-midi, Joseph Falardeau, employé à la manufacture Williams de Saint-Henri, allait chercher sa fille Elena Falardeau au couvent Bethléem pour l'amener chez lui à Saint-Henri. En route, il fallait traverser un bois, et le misérable a fait descendre son enfant de voiture et s'est livré à des actes que la pudeur ne permet pas de nommer. Nous avons eu dernièrement Paquette, Dubois et tant d'autres qui n'ont pas respecté l'innocence des enfants, mais un père violer sa fille? Quel châtiment lui infliger? Il a été arrêté et doit subir son procès ses premiers jours.